Ce sont les meilleures équipes. Et si die allerbesten Mannschaft, the main event, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions, die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Des bâtons d'Anguille Roux, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Nous allons commencer dans quelques minutes après ce délicieux générique. On y va. Allô, vous m'entendez ? Oui, bien sûr, shérif. Je me demandais, ici tout va bien. Le générique est quelque part, en fait, mais... Le générique est à sa place, mais en même temps, on peut parler 5 minutes. Très bien, on peut parler 5 minutes. Vous savez où il est, vous, Manolo, le générique ? Il le sait. Bon, Manolo, ça va être quand même difficile, il est au stade ce soir, mais il peut essayer de trouver le générique dans le stade. On a envie même de vous demander dans quel stade vous êtes, mon cher shérif. Quel stade, shérif ? Vous êtes pas au stade ce soir, vous, shérif ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, on va... Non, moi, je ne suis pas au stade ce soir, mais bon... Écoutez-moi ça. Well, it's been a long time, long time now, since I've seen you smile. And I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, there's a I'm Bonsoir très chers auditeurs, bonsoir très chères auditrices, vous êtes bien en direct de Débattons d'Anguirou, 20e épisode. Vous venez d'entendre une chanson du groupe Beyrouth qui s'appelle Nantes, et pourquoi Nantes, je vous le donne en mille, c'est parce que ce soir, Nantes joue contre le Stade Malherbe de Caen, et que nous allons donc parler de l'équipe de foot de Nantes, du fameux jeu à la nantaise. Alors ce soir, dans Débattons d'Anguirou, nous avons un plateau un petit peu modifié. Le shérif, vous revenez sur le plateau comme il y a 3 semaines maintenant. Docteur, bien sûr, est avec nous. Bien sûr. Au stade, nous avons Manuel qui quitte ce plateau pour aller exprimer toute sa ferveur nantaise et toute sa passion. Et surtout, ce soir, nous enregistrons le grand retour de Magic. Alors, bonsoir, shérif, bonsoir, docteur. Oh, le but ! Oh, le but de Nantes ! Exactement ! Pile poil au moment où vous nous appeliez avec votre petite lumière rouge, mon cher Brett, eh bien, les Nantais viennent de prendre l'ouverture du score, là, dans ce match hyper capital pour les deux équipes, puisque très certainement, celui qui gagne le match ce soir va pouvoir jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Et pour l'instant, eh bien, écoutez, c'est Nantes, puisqu'ils viennent donc de marquer, là, pour la première fois dans ce but. C'est extraordinaire. Les Nantais et les Canaries se sont battus tout durant le match rester à flot dans ce match-là, et viennent de prendre la marque. Là, c'est magnifique. Superbe reprise, mon cher Manu Amor. Vous allez pouvoir nous en dire un peu plus sur cette action, peut-être. Bonsoir à tous. C'est un but limpide, un grand dégagement du gardien Rioux. Pour le côté gauche de l'attaque nantaise, et tout de suite un centre immédiat repris par l'avant-centre titulaire et vedette du FC Nantes cette année, Philippe Georgievic, qui c'est son 18e but cette année dans le championnat de deuxième division. Alors autant vous dire que ça va peut-être un peu libérer les Nantais, parce que il jouait un peu avec le slip tendu depuis le début du match, et pour cause. Enfin, j'imagine qu'on en reparlera en plateau tout à l'heure. Le classement est extrêmement serré en tête de la Ligue 2. Bonsoir les amis. Alors du coup, on est tout de suite dans le vif du sujet. Le jeu à la nantaise, un dégagement, un centre immédiat, un but. Ah bah là, c'est la parfaite illustration effectivement de cette philosophie de jeu qui a toujours accompagné plus ou moins selon les périodes, mais qui a toujours été plus ou moins présent en tout cas dans l'équipe nantaise, tout à fait. Bon, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les enjeux de ce match ? On va rester un petit peu avec vous, parce qu'on est quand même déjà, il me semble, un petit peu avancé dans le match. Tout à fait, mon cher Brett. On est exactement à la 53e minute, je crois, ou 59e. J'ai du mal à lire sur mon petit cadran. Il faut dire qu'ici, l'ambiance est un petit peu refroidie maintenant au stade Michel Dornano. Alors, les enjeux sont simples. Le FC Nantes est, avant ce match, 3e du classement, avec, il me semble, un total de 62 points, je crois, je suis pas exactement sûr de moi, mais 62 points. Devant, il y a l'en avant Guingamp avec 63 points, qui a étrié le Racing Club de Lens vendredi 7-0. Et puis devant, encore à la première place, ils ne seront plus détrônés, il y a l'AS Monaco. Derrière, ça chauffe, puisque Caen est à 3 points de Nantes, donc autant dire que ce soir, s'ils gagnent, ils reviennent à égalité avec leurs invités. Et intercalé, il y a le SCO d'Angers, qui pourrait jouer les troubles faits dans la fin de ce championnat. Enfin bref, c'est vraiment très serré. Mais pour l'instant, Nantes mène au score, et du coup Nantes reprend 6 points d'avance sur son adversaire du soir. Et 6 points d'avance, autant vous dire que là, voilà, la messe pourrait presque être dite pour Caen, quant à la montée. Mais peut-être que même Nantes serait en D1 dès ce soir avec ses 6 points d'avance. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, mon cher Magic. Tout à fait. Et là, on vient encore de voir une illustration. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans l'équipe nantaise qui a toujours été un peu renfrognée là, durant ce match-là. Avec ce but, ils ont l'air de s'être délivrés un petit peu de leur torpeur physique et tactique et ils jouent beaucoup plus incisivement. Je crois qu'ils attendaient que des bâtons d'Andy Giroud commencent pour pouvoir appliquer leur jeu à la nantaise. Voilà, pour l'instant, donc un but à zéro ici, 60e minute de jeu et ça fleure très bon la Ligue 1 pour les Nantais pour l'instant. Merci Magic et merci d'être revenu parmi nous. Ah ben je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. Votre absence a été longue comme l'hiver, comme on dit. Vous saviez que je prépare un grand projet. Bien sûr. Mais j'aurai l'occasion d'en dire plus. Mais pour ce soir encore, mais voilà. On attend des précisions avec impatience. Docteur, shérif, ce match de Nantes, quand Nantes exactement? Oui, quand Nantes, on est quand même dans un grand derby, pour ne pas trop dévoyer ce mot, ce qui est souvent le cas, de l'ouest de la France. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir que pour l'année prochaine, en Ligue 1, on va avoir le retour de ces équipes que je trouve assez formidables, hein, c'est-à-dire Guingamp et Nantes, un peu moins l'AS Monaco. On aura l'occasion de ne pas prononcer ce mot peut-être l'année prochaine, je ne sais pas trop, hein, il faudra qu'on en décide. En tout cas, ça va faire du bien. L'absence de Brest l'année prochaine me fait un petit peu mal, mais bon, voilà, en avant Guingamp et aller le FC Nantes, quoi. Tout à fait, ça fait plaisir, enfin, d'avoir le retour du Football Club de Nantes dans l'élite. Si tout va bien, mais comme le disait fort justement Manuel, ne vendons pas la peau de la charrette avant d'avoir tué les bœufs. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis assez content, effectivement, que ce soir, cette émission ait lieu, et je suis aussi d'accord avec Magic, hein, je pense qu'ils nous ont attendus. Et Brett, nous avons un micro respectivement jaune et vert, et mon petit cœur canari doit bien dire que ça me fait bien plaisir de vibrer enfin. Ce soir, à ces couleurs. On attendait quand même une soirée nantaise depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup de monde ici présent qui défendent le Football Club de Nantes, et notamment ce fameux jeu à la nantaise dont on parle depuis très longtemps. Alors peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu de temps pour expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est ce fameux jeu à la nantaise. On pourrait prendre un certain temps, effectivement. On va essayer de faire ça, docteur. Est-ce on que va essayer de faire ça. Non, je notais justement que du côté normand, puisque rappelons qu'en Normandie, on a noté l'entrée en jeu d'Alexandre Cuvillier. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut agréablement sortir le week-end et se retrouver sur la pelouse un lundi. Bon, voilà, ça fait plaisir. S'il nous entend, on le salue et on espère qu'il reviendra à l'occasion de l'émission mère. Hein, on le dit toujours, on a eu la chance d'avoir le président la dernière fois pour l'émission mère, des bâtons dans les roues, qu'on espère vraiment être en prime time la saison prochaine. Ah oui. Alors donc, pour ce jeu à la nantaise, plutôt que de lancer le sujet nous-mêmes, on va laisser la parole à quelques spécialistes du nom. Je propose qu'en technique, on nous fasse passer un petit sujet que nous avons pioché dans nos sources diverses et variées, qui serait un sujet qui s'appellerait le jeu à la nantaise, par très exemple. Très bien, juste dire, sans doute, c'est très très bien étayé, bien sûr, sur le sujet, mais c'est sûr que le jeu à la nantaise remonte notamment aux années 60 et à un formidable technicien du nom de José Arribas, qui a durablement marqué l'esprit et la forme du jeu à la nantaise, mais pas seulement, je crois, hein, vraiment. Hop là. On va avoir l'occasion de parler de tout ça, notamment. Voilà. On reviendra à vous, shérif, et on sait que vous avez la grande expérience du jeu à la nantaise. En technique, pardon, on vous demande si c'est le fichier qui s'appelle jeu à la nantaise ou jeu nantaise qu'il faut passer. Ça, la technique a le libre choix du sujet. Ce but d'anthologie, inscrit un soir d'août 1994, a fait le tour de la planète foot. C'est vraiment un jeu collectif avec beaucoup de jeunes dans l'équipe et je crois que c'est ce qui donne un football chatoyant et que les gens adorent. Une marque de fabrique qui remonte au début des années 60. José Arribas, c'est le précurseur de ce fameux jeu à la nantaise, résumé en trois mots par l'entraîneur basque: vitesse, technique et intelligence. L'apologie du jeu en mouvement qui situe le club nantais tout en haut de la pyramide football. je pense qu'il faut se reporter à ce que peut dire un entraîneur comme Albert Batteux, qui était un des grands patrons du football français toutes ces dernières années et qui l'est probablement encore. Quand il dit que Nantes a peut-être un meilleur jeu collectif que n'avait Reims à la même époque, si vous voulez, du temps où il était en pleine gloire. La gloire, les titres, mais surtout une empreinte unique, une façon de jouer qui va traverser les générations. Jean-Claude Sedeau, successeur d'Harry Bass, instaure des séances d'entraînement novatrices, faites de jeux sans ballon. Ne me lancez pas ce bâton en disant je le lance et faut que je le rattrape d'une main parce que je l'ai lancé de l'autre. Lancez-le, rattrapez-le très vite. La Genelière, centre de formation et d'entraînement inauguré en 1978, devient alors une référence nationale, à tel point que le style nantais est envié et craint à la fois. C'est un certain Laurent Blanc qui, en 1987, en parle le mieux. Étant donné que j'aime le beau jeu, j'ai toujours dit que le jeu nantais, c'était vraiment à montrer dans toutes les écoles de football. Parce que vraiment, quand ils tourneront, c'est difficile à les accrocher. Et bon, je crois que là, ça fait 3-4 matchs où ils ont retrouvé leur jeu. Ils se connaissent très bien, qu'ils continuent d'apprendre à mieux se connaître, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'ils sont extrêmement bien disponibles. C'est ce qui fait que cette équipe est amenée à développer un jeu aussi riche. La complicité, le déplacement, la mobilité, cette envie de jouer l'un pour l'autre, Reynald de Noëx ne s'en est pas départi lorsqu'il a succédé à Coco Suedo en 1997. Ils chercheront tout le temps à transmettre ce qu'ils ont éprouvé, le plaisir qu'ils ont eu ici, ils chercheront à le transmettre. Donc c'est en ce sens-là, on peut parler d'école, mais il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai qu'on est plus reconnu à travers le jeu et à travers, on peut dire, le collectif. Le jeu à la nantaise, une expression passée depuis quelques années dans le jargon footballistique, dès qu'une équipe arrive à marquer à la suite de combinaisons rapides à une touche de balle. Mais depuis 2001, et le dernier titre de champion de France, les jaunes et verts ont perdu ce style maison. C'est désormais du côté de Barcelone et de son fameux toqué qu'il faut chercher la version moderne du jeu à la nantaise. D'Espagne, j'avais... Introduction sur ce que peut être le jeu à la nantaise, ça ne dit pas grand-chose, mais on entend quand même déjà des éléments importants, et notamment des noms importants, Shérif. Vous pourrez peut-être rappeler aux auditeurs et aux auditrices ce qu'on vient d'entendre sur le... On a un léger souci de son technique. Mais tout à fait, oui. Oui, il y a peut-être les retours, on sent peut-être un petit peu fort. Là, c'est, je pense que c'est mieux. Ouais. Merci à la technique, une fois de plus. Et oui, bien sûr, donc dans ce petit reportage qui parle du jeu à la nantaise, avec un formalisme assez intéressant, comment dire, oui, ils sont évoqués bien sûr des gens qui ont forgé ce style de jeu, des gens qui sont restés des légendes pour le football club de Nantes, bien sûr, mais pas que. Hein, je crois vraiment que à la fin du reportage, on évoque Barcelone. Alors de là à dire que les gens de Barcelone se sont inspirés du jeu à la nantaise, je ne sais pas, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir si tant est qu'on ait envie. Mais oui, je reviens sur José Arribas, entraîneur mythique donc des années 60, du milieu des années 60 au FC Nantes, et qui effectivement va décider d'imprimer cette espèce de jeu ultra collectif où tout est en mouvement, le jeu en triangle, le fameux jeu en triangle, avec des joueurs clés qui ont pour nom Jean-Claude Fiodo, et dans une moindre mesure Reynald de Noëx, qui seront champions de France deux fois tous les deux, et qui deviendront donc les dignes héritiers du travail de Harry Bass et les entraîneurs de Nantes, d'abord dans les années 80 pour Jean-Claude Chiodo, et puis on l'a entendu tout à l'heure, hein, dans les années 90 pour Reynald de Noëx. Juste, je me permets, je sais pas si c'est le moment ou pas, mais nous sommes le 13 mai 2013, me semble-t-il. Tout à fait, exactement. Il y a 30 ans, jour pour jour. Alors ce n'était pas un lundi, mais c'était quand même il y a 30 ans, jour pour jour, à savoir le 13 mai 1983, vous m'arrêtez si je me trompe. Exact. C'est exact, ça. Force de calcul. Ouais. Eh bien, le Football Club de Nantes, entraîné à l'époque par Jean-Claude Fiodo, c'était sa première année à la tête de l'effectif pro, Monsieur Coco Fiodo, devenait champion de France. champion de France en 83 avec avec une équipe fabuleuse, évidemment un certain Picot qui marque un des quatre buts contre l'ennemi, hein, l'ennemi de la fin des années 70 et de la fin des années, enfin pardon, du début des années 80, à savoir l'association sportive de Saint-Étienne. Alors il y a un autre ennemi historique, on en parlera sans doute tout à l'heure avec Manuel quand on reviendra sur en direct au stade Michel Dornano, un ennemi beaucoup plus atlantiquette dont le nom est difficile à prononcer, mais à l'époque en tout cas l'ennemi c'est vraiment Saint-Étienne. Et c'est contre Saint-Étienne que Nantes obtient ce titre, 4-2, un doublé d'un certain Vaid Halilhodžić. Et alors c'est marrant, comme on dit parfois, on peut, je sais pas si on peut citer nos sources ou pas, mais bien sûr. Il se trouve que moi j'ai découvert ça sur l'équipe tout à l'heure. Nos confrères de l'équipe, tout à fait, qu'on salue. Et dont le confrère de l'époque qui était l'envoyé spécial de l'équipe à Nantes, au stade Marcel Sopin, qu'on salue avec une petite larme à l'œil. Je ne sais pas si Manuel et Magic nous entendent, mais moi, ce nom de Marcel Sopin, mais mieux quand même toujours beaucoup. Et c'était à Marcel Sopin, donc ce fameux 13 mai 1983. Et donc on a un formidable joueur qui est Thierry Tussaud et qui a forgé le jeu à la nantaise période Coco Suodo, notamment parce qu'il a participé à toutes les équipes de jeunes, parce qu'il gagne la Coupe Gambardella, parce qu'il est champion de troisième division avec la réserve à l'époque, et puis il fait partie dans ce milieu de terrain, un joueur assez polyvalent d'ailleurs, Thierry Tussaud, et donc il décide ce jour-là, qui annonce à Robert Budzinski, hein, l'un des pierres angulaires du FC Nantes, et un peu plus tard à son entraîneur, qu'il annonce qu'il va quitter Nantes pour aller chez l'ennemi de l'Atlantique. Et là, Jean-Claude Suodo, son titre, son premier titre, est gâché par cette nouvelle. C'est terrible. Quel club pour Tussaud ? Je ne me souviens plus exactement du nom du club, un peu plus au sud, sur l'Atlantique, mais avec une sorte de club au scapulaire, je crois. Ouais. Ça sent la vendange, en tout cas. Ouais. Et il me semble que ça... Ça sent le mauvais pinard. Voilà. Ça sent le mauvais pinard, effectivement. Voilà. Bon, un petit tunnel de ma part, excusez-moi. Vous avez bien fait, chéri, vous avez lancé le sujet. On est déjà dans les années 60. Il n'en reste plus qu'à remonter les années, docteur. À propos de vendange, oui, puisque vous parlez justement de cette région-là, de la capitale de la région Aquitaine, je crois. Nos amis nantais, quand même, ont aussi du gros plan, hein, visiblement. On a du mal à cadrer les frappes. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe à Michel Dornano, pardon. Mais visiblement, Nantes s'est réveillé, mais... Nantes procède en contre, donc ils ont quelques situations extrêmement favorables en ce moment-là, puisque les Canets ont décidé de jouer leur va-tout dans ce match et laissent des espaces de plus en plus grands. Donc les Nantais sont en train d'en profiter, d'autant plus qu'ils ont récupéré pour la deuxième mi-temps, il y a une dizaine de minutes environ, un certain Fabrice Pancrate qui n'est pas sans expérience dans ce genre de match. Et alors, tout à l'heure, on a vu encore une action qui part de très loin en une touche de balle et qui se finit sur le côté gauche et un tir tout seul de l'attaquant, je crois que c'est Bejac qui tire et qui était Bejac exactement, et ça aurait pu faire 2-0. Il y a 3 minutes encore exactement, une frappe sur une opportunité d'un autre attaquant nantais et ça aurait pu faire 3-0, le match aurait été plié, mais on sent qu'il y a de la fébrilité également du côté nantais de la part en fait des deux équipes ce soir, puisque comme je vous le disais, l'enjeu est colossal. Voilà. Manuel, pardon chérie, vous voulez dire quelque chose ? Non, on voulait vous donner la parole un petit peu, oui. Manuel, parce que je sais que dans votre oreillette, vous avez dû entendre ce que vient de nous raconter le chéri, fort intéressant, et si vous aviez peut-être des choses à dire, ça serait dommage de ne pas vous donner la parole, vous, expert du football nantais. Oui, je pense que le shérif a très bien rappelé l'historique de la chose. J'entendais dans ce reportage de nos confrères de France 3, je crois que vous venez de diffuser, à Marseille, que le jeu à la nantaise avait quelque peu disparu ces quelques dernières années. Et en effet, quand on regarde le match de ce soir, mon cher Magic, on se rend compte quand même que parce que le jeu à la nantaise, c'est quoi ? Très simplement, le jeu à la nantaise, c'est un jeu qui est basé sur le mouvement continu des acteurs, les jeux en passe simple, le plus simple possible, et des changements de rythme. Voilà le... D'ailleurs, Arribas, dont le nom pourrait donner quelques sonorités sud-américaines, avait, lui, un petit peu pris pour modèle cette équipe du Brésil, notamment l'équipe du Brésil de la fin des années 60 et de 1970. Des Garincha, des Pelé, dont nous parlâmes déjà un petit peu. Tout à fait, qui est vraiment une équipe qui fait circuler le ballon de la manière la plus simple possible et qui est capable d'accélérer fulgurante, aussi parce qu'elle a des joueurs d'une technique vraiment très éprouvée. Alors voilà, le jeu à la nantaise, c'est ça, c'est de l'adaptation et de l'adaptation à la situation et aux joueurs qui composent l'équipe. Et puis c'est aussi l'habitude de jouer ensemble. C'est des joueurs qui, quand ça fonctionne, ont l'habitude de jouer ensemble depuis qu'ils sont vraiment adolescents, et ça crée des automatismes et des repères qui sont hors normes contre d'autres équipes. Je me permets, messieurs, une petite question à l'encontre de Magic. Magic, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. J'ai senti comme une pointe de sarcasme lorsque vous évoquâtes le nom de ce joueur qui est rentré pour le Football Club de Nantes sur le terrain. Vous parlâtes de Picrate. J'ai du mal à prononcer. Il s'agit de Fabrice Pancrate. Picrate, c'est bien ce que je pensais. Non, je suis désolé. Le gros plan, effectivement, est un vin un peu compliqué, effectivement, à assaisonner avec tel ou tel plat. En revanche, si on reste sur le muscadet, et il me semble que vous êtes à côté de Manuel, quand même, qui est un sacré spécialiste du foot à la nantaise, évidemment, et du muscadet aussi, me semble-t-il. Nous en parlerons plus tard. Je crois pas qu'on puisse rigoler vraiment sérieusement avec Fabrice Picrate. Et surtout, il me semble qu'il a joué quelque part dans un autre club un peu célèbre du centre nord de la France, non ? Je sais pas, un petit club de ça vous dit rien, non ? Ah, rappelez-le-moi. J'ai ce doute. Mon cher shérif, si je n'en ai plus le moindre souvenir. Vous savez que j'ai une grande, je suis quasiment une grande bibliothèque du football français vivant et européen. Mais alors, il y a des choses qui m'échappent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il faudrait que j'en parle à mon psy. Donc, si vous aviez l'intelligence de me rappeler ce dont vous parlez à l'instant, ce que vous évoquez, je vous en serais fort gré. Je voulais, c'est une petite parenthèse, mais parce que c'est vrai que le nom de ce club m'échappe également. Ça fait deux noms de clubs ce soir qui m'échappent. Je suis désolé. Je rechercherai. Peut-être parce que c'est le muscadet, justement, dont on parle tant. Et alors, j'avais une autre question pour Manuel. Le muscadet, Manuel. Donc, on est dans le sud de Loire. Il me semble que ça a quand même été une grande inspiration dans justement ce redoublement de passes, cette mobilité dont on parle tant depuis au moins le milieu des années 60 pour expliquer un petit peu cette effervescence, même s'il n'y a pas forcément de bulles dans ce muscadet. Bah évidemment, hein, le muscadet, c'est un peu le... Oh là là, il y a encore eu un centre très dangereux dans la surface cannaise, mais qui n'est pas arrivé à destination de l'avant-centre nantais. Oui, pour vous répondre, je crois qu'on peut vraiment dire que le muscadet, c'est un peu le gibolin des joueurs du FC Nantes. Et voilà, moi je me rappelle qu'à l'heure de célébrer les multiples trophées qu'ils ont remportés, des joueurs comme Frédéric Darrocha ou Marama Vairua semblaient assez enclins à aller fêter ça avec un bon vieux coup de mus, comme on l'appelle dans la région. Oui, visiblement, le muscadet était assez goûté par ses joueurs. On se souvient d'un certain Patrice Loco, notamment, qui, par la suite, en changeant sûrement de breuvage et de club, a peut-être dépassé les bornes. Donc finalement, le muscadet, c'est pas si mal que ça, je crois. Il a changé de club. Dans quel club Il n'aurait pas rejoint le club de Picrate, justement. Je crois que c'est arrivé à Patrice Loco. On se rapproche de quelque chose. Oui. Avant de finir nu dans une discothèque, d'ailleurs, je crois. Bien sûr. Terrible fin. Mais pour revenir un petit peu sur la comparaison que vous faisiez tout à l'heure, que nos confrères de François faisaient entre le jeu à la nantaise et le jeu à la barcelonaise, dont on parle beaucoup maintenant. On a vu avec le jeu à la barcelonaise, et là je m'adresse aussi beaucoup à Magic, que l'absence d'un élément tel que Messi était extrêmement préjudiciable à ce jeu. Ouais, mais vous savez que Messi, il est hors norme. Messi, c'est quelqu'un qui... C'est, je pense qu'on peut, d'ores et déjà le classer dans ce genre de joueur où appartient Maradona, par exemple. Je crois que vraiment, il est au-dessus du lot. Il a à la fois une technique superbe et un sens du jeu incroyable. Donc évidemment, n'importe quelle équipe qui a ce joueur en forme avec elle est bien plus forte, et y compris le Barcelone. Même effectivement, ce qui fait Barcelone, ce n'est pas Messi, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi à droite à gauche. Ce qui fait avant tout Barcelone, c'est son jeu collectif, puisque il y a quand même 11 joueurs sur le terrain et Messi n'en est qu'un des parmi ces 11. Mais évidemment que lorsque ce 11 là comprend Messi à l'intérieur, eh bien on comprend très vite qu'il est largement bonifié. Voilà. Donc si on veut évoquer un petit peu le jeu à la nantaise, on peut faire le parallèle aujourd'hui avec le jeu de Barcelone. Même si personnellement je trouve que ce n'est pas tout à fait la même chose, on parle du jeu de Barcelone aujourd'hui parce que dans la machinerie barcelonaise, on a également deux joueurs exceptionnels et qui, je pense, font cette équipe, ce jeu barcelonais, chose qui n'était pas spécialement le cas pour le jeu à la nantaise, puisque personne n'avait le monopole du ballon comme Iniesta et Xavi l'ont à Barcelone. Ce sont les deux joueurs qui touchent quasiment le plus de ballons avec, on pourrait rajouter aussi Busquets, mais ce sont deux joueurs vraiment incroyables. Ils ont un sens du jeu, une technique vraiment largement au-dessus du lot, et ce sont, pour moi, ce sont véritablement les deux composantes majeures du jeu de Barcelone. Et là s'arrête, je pense, la comparaison entre le jeu à la nantaise et le jeu de Barcelone. Alors, si je puis me permettre juste de prendre la parole et justement de me placer un peu sous l'égide de Manuel, puisque c'est une des périodes qu'il connaît le mieux, il me semble, hein, de l'époque des différentes épopées nantaises. J'ai envie de vous contredire un tout petit peu, Magic, sur plusieurs points peut-être. D'abord, Barcelone, c'est pas seulement les années 2000. Je crois qu'il y a cette espèce de football total, hein, dont on parle quand même depuis des décennies à Barcelone. Bah depuis les années Cruyff comme entraîneur. Depuis les années Cruyff. Met en place un jeu collectif. C'est clair. Un peu équivalent. Et qui renvoie justement à cette espèce de football total des Pays-Bas dans les années 70. Quelque chose qui est revenu aussi justement, hein, pour commenter un petit peu, c'est le football que livrait le FC Nantes dans les années 60, puis à fin des années 70, puis dans les années 90. Et justement, Manuel, vous allez me contredire ou peut-être confirmer ce que je vais dire. Moi, il me semble qu'il y avait quand même un joueur fabuleux, enfin un des plus grands joueurs de l'histoire du FC Nantes, voire de l'histoire du football tout court, et qui s'appelait Japhet Endoram. Et ce monsieur a complètement transfiguré, me semble-t-il, le jeu du FC Nantes à la fin des années 90. Début des années 2000, ce monsieur dont on disait même, ses coéquipiers le disaient, hein, ce monsieur est fabuleux, il invente même des dribbles à l'entraînement. Ouais. Oui, alors moi c'était un des détails entre guillemets que je voulais aussi ajouter à l'argumentation de Magic, parce qu'effectivement le FC Nantes a aussi pu s'appuyer sur des joueurs exceptionnels, et ça, bon, on vous parlait d'Endoram, mais c'est évident, nous qui l'avons vu jouer, cher Shérif, plusieurs fois, non pas à Marcel Saupin mais à la Beaujoire, puisque c'était après, c'était un joueur vraiment extraordinaire, et qui a vraiment aussi bonifié, je pense, ce trio d'attaque qu'on a vanté à l'époque, qui était Loco, Pedro, Swedek, qui étaient trois très bons joueurs de foot ensemble. D'ailleurs ensemble c'était des terreurs, et puis on a vu que séparément ils étaient un petit peu moins appréciés par les entraîneurs plus tard. Mais en tout cas pour dire que effectivement il y a eu quelques joueurs extraordinaires comme ça. On pourrait aussi parler de Maxime Bossis, qui était un des plus grands défenseurs, je pense, même de l'équipe de France, toute époque confondue. Je pense que nous parlerons sans doute un peu plus tard de, voilà, Maxime Bossis, on va développer. Mais aussi pour peut-être dire qu'il y a plus de comparaisons que ça entre le Barça d'aujourd'hui, on va dire d'aujourd'hui, et le FC Nantes d'hier, c'est que ce sont deux formations, justement, deux équipes qui se sont continuellement appuyés sur leur formation. Ce sont deux écoles de formation exemplaires, le Barça en Espagne et Nantes en France. C'est plus le cas de Nantes aujourd'hui, et pour ma part, je pense que c'est le principal argument du niveau actuel de cette équipe, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, le FC Nantes s'est toujours appuyé sur une formation très solide et quelques joueurs de club qui restaient au club et qui gardaient l'âme pour encadrer les jeunes arrivants. Et ça donnait que on voit 8 titres de champion de France en une quarantaine d'années, donc ça fait à peu près un titre tous les 5 ans, si je crois calculer. Donc, et depuis plus rien, et depuis, eh bien, on sait que l'équipe de Nantes s'appuie de moins en moins sur la formation. Je crois même qu'il y a 2 ans, pour un sombre match de deuxième division, c'était la première fois en 45 ans, je crois, qu'il n'y avait aucun joueur formé au club qui composait le 11 de départ. Et puis peut-être un autre point commun avec, encore une fois, Barcelone, c'est que Nantes a développé aussi une tradition d'importation de joueurs argentins de très très très très haut niveau. Alors, avant de revenir sur cette fameuse anecdote, Manuel, dont vous allez nous parler aussi, et j'espère qu'on ne monopolise pas trop le micro, peut-être, en plateau. Tu prends ou tu passes la main ? Non, aucun problème. Jouait, Et oui, donc la fameuse école argentine nantaise, j'ai envie de dire. Et pour moi, les souvenirs, c'est vraiment la fin des années 70, début des années 80, car je suis un petit peu plus âgé, je le crains, que Manuel. Les frères Trocero, Enzo et Victor Trocero, c'est quand même pas rien. Et puis Manuel, je vais vous laisser la parole. Ce très très cher champion du monde, le buteur de la victoire de l'Argentine en 86, à savoir monsieur Jorge Burruchaga. On peut parler des Trocero qui, alors, contrairement à ce qu'on pense, n'étaient absolument pas frères. Il n'y avait aucun lien de parenté entre l'un Enzo et l'autre. Victor n'étaient pas frères ? Absolument. Ah, pas. Je suis déçu. C'est un mec qui s'écroule. Ils étaient dans la même équipe, même génération. Mais en tout cas, ils étaient pas frères. Par contre de deux Argentins qui avaient des liens de parenté. C'était Oscar et Ramon Muller. Et tout à fait. Ouais. Qui comptent chacun 2 et 3 titres de champion de France avec le FC Nantes. C'était le papa et le fils. On peut parler de Nestor Fabry aussi, excellent défenseur central, malin comme un singe. Et puis, on peut parler de Jorge Burruchaga, qui n'a pas vécu les meilleures années du FC Nantes, malheureusement. Mais il avait le plus beau short. Par contre, il avait un short formidable qui m'est arrivé, et j'ai eu la chance de porter un short champion du monde plusieurs fois dans ma vie. Et c'est un short qui m'a été confié, non pas par Jorge Burruchaga directement, mais par Guillermo Cerruti, si vous voulez tout savoir, qui était donc l'ami de mon frère à l'époque où ils étaient au lycée ensemble. Voilà, c'est tout. Je pense que les auditeurs et les auditrices seront ravis de l'anecdote. On va peut-être profiter de revenir sur cette question de la formation, des centres de formation, donc notamment du FC Nantes. Je voulais juste dire un truc d'ailleurs sur la comparaison possible entre Barcelone et le FC Nantes. Si je ne me trompe pas, Houedec a été approché par le FC Barcelone à l'époque de cet entraîneur qui s'appelait Camacho, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui du coup voulait l'intégrer à son effectif, notamment d'après Houedec, parce que les spécificités du jeu nantais intéressaient beaucoup cet entraîneur barcelonais. Mais en tout cas, il a atterri à l'Espagnol de Barcelone, Houedec, après son époque nantaise. Et oui, il me semble me souvenir de ça. En fait, à Houedec, à l'époque, et sans doute un peu à tort, c'est peut-être un joueur qui a été un peu surévalué, et même certainement surévalué. Il a eu de magnifiques années nantaises, mais il s'est avéré par la suite un joueur très fragile. Mais à l'époque, son style de jeu est un petit peu comparé, toute proportion gardée, à Marco Van Basten. Et Marco Van Basten est également un joueur que le Barça n'a jamais pu avoir, et qui est un joueur qui collectivement était absolument merveilleux. Donc je pense que sur ce genre d'appréciation là il est possible effectivement que le Barça ait eu envie de recruter à un moment donné Nicolas Houedec. Et puis il y a quelque chose qui est étonnant aussi, c'est que deux des futurs superstars un petit peu de deux époques de l'équipe de France sont-elles parties de Nantes, mais non pas pour aller à Barcelone, mais pour aller au Real Madrid, à savoir monsieur Christian Carambeu et monsieur Flutin, vous allez m'aider évidemment. Makelele, Monsieur Claude Makelele, merci. Ouais, ouais. Oui, c'est au Real Madrid qu'ils ont été. Il est où Claude Makelele maintenant d'ailleurs? Je sais pas, il continue à s'occuper de football, non? Non. Ouais, il semblerait. Je vous propose puisqu'on va rester un petit peu sur Wedek, peut-être écouter un sujet justement pour revenir un petit peu sur ce jeu lantais, justement sur cette question rapidement évoquée par donc Wedek dans le sujet. La disparition du centre de formation nantais du préjudice sur le club et puis on reviendra après pour finir le match avec Manuel et Magic. On parle beaucoup de tout ce qui entoure un club de football au niveau social, au niveau politique, mais le but du jeu c'est sur le rectangle vert et ce qui s'y passe. C'est là où se dessine l'histoire d'un club et surtout c'est là où se gagnent les titres. Alors pour parler véritablement du jeu à la nantaise, moi je vais être très très simple, il est comme je vous dis là, comme cet adjectif, il est simple. C'est ce qui fait la richesse de ce jeu-là. C'est simplement ne pas se compliquer la tête entre guillemets sur le terrain et chercher perpétuellement la simplicité dans le relationnel entre les joueurs. On est parti dans les années 60 avec Monsieur Arribas qui je pense et je suis fier de le dire, a quelque part déposé une marque, le jeu à l'antaise, mais il est très simple ce jeu. Il est fait d'une multitude d'intelligence entre les joueurs et aussi l'envie de ces joueurs-là de se comprendre, les uns par rapport aux autres. C'est tout simplement ça, l'envie de se déplacer ensemble, à la recherche perpétuelle de ce mouvement qui fait qu'on est toujours là pour aider son partenaire. Un peu à l'image de ce qu'on voit à Barcelone, à Arsenal. Et j'ai pas peur non plus de le dire que quelque part ces équipes-là ont pas copié, mais tout est parti quelque part des années 60 avec José Arribas, faut pas l'oublier. Il y a eu ensuite le football hollandais avec la période de Johan Cruyff, et puis le Barça est arrivé avec aussi Johan Cruyff à sa tête. Arsène Wenger maintenant avec Arsenal, qui je me souviens était un adepte de Jean-Claude Ciodo, donc c'est pas pour rien qu'on retrouve à travers le jeu d'Arsenal. Ce jeu qui nous plaît tant. Mon éducation footballistique alors a rejoint aussi mes qualités, qui étaient peut-être l'envie de jouer avec ses partenaires, de se faire plaisir ensemble, d'être toujours disponible. Alors ça demande beaucoup aussi physiquement, c'est le point primordial de ce jeu-là. Avant tout, être au point physiquement pour pouvoir multiplier forcément les courses, et les enchaînements physiques, et que c'était le mouvement qui créait cette impression de fluidité sur le terrain. Donc voilà, tout simplement, j'ai eu la chance de jouer dans ce club, et j'aspire vraiment à ce que ces valeurs reviennent. Je pense qu'il y a un travail de fond, et là c'est dommage parce qu'il y a eu tout un travail d'accompli depuis les années 60 en termes de formation. Je pense qu'on a complètement bâclé cette partie de travail qui et là on revoit on s'aperçoit actuellement que cette formation a été complètement mise de côté parce que c'est là-dessus où le club s'est appuyé pendant 40 ans. Donc je pense aussi qu'il y a un gros travail de formation à accomplir à nouveau. Donc ben voilà, il se passe des choses en plateau, hein. Nous on essaye d'écouter les reportages mais en même temps ça y va. Donc on vient d'entendre donc Wedek qui nous raconte un petit peu le jeu collectif nantais et la désertion du centre de formation comme cause de cette descente aux enfers du FC Nantes qui quand même joue encore alors qu'il est en D2. Mais justement, on va retourner au stade parce qu'il semblerait que le FC Nantes ait fait un grand pas vers l'accession en Ligue 1 Cher Magic, oui, tout à fait. Le match vient de se terminer. Pardon, mon cher Magic, c'est moi-même. Je me suis confondu. mon cher Brett, le match vient de se terminer à l'instant. Et donc, sur le score tel qu'on vous l'annonçait tout à l'heure, c'est-à-dire par la victoire du FC Nantes 1-0, qui laisse le quatrième à 6 points. Qui ne peut donc pas venir le rattraper pour les deux journées qui restent dans ce championnat. Et donc, par conséquent, Nantes est en Ligue 1 à partir de ce soir. Alors, il reste un petit doute quant au goal-average. Voilà, il s'agit d'une histoire de goal average. Angers à plus 14, le Caen à plus 20 et Nantes donc à, enfin Caen à plus 19 et Nantes à plus 24. Donc ça laisse une marge de sécurité relativement confortable, mais mathématiquement, ce n'est pas fait. C'est fait, je pense, psychologiquement, mon cher Manuel. Oui, c'est fait. On a une petite larme parce qu'évidemment, on peut pas. On est vraiment désolé pour tous les supporters canais. Pour qui c'est peut-être pas encore complètement terminé. Ça va être très compliqué, mais c'est pas encore terminé. Mais en tout cas, bon, je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis assez content. Alors, c'est pas encore fait mathématiquement, mais effectivement, vous venez de tout expliquer. Le goal average du SCO d'Angers est pour l'instant trop faible pour venir inquiéter le FC Nantes. Alors pour le SCO, bah c'est pas fini et je suis un petit peu triste que ce soit ces deux équipes qui se tirent la bourre pour monter, parce que le SCO c'est aussi l'équipe d'Antoine Coquin, hein, voilà, c'est beaucoup de choses, et aussi d'Anne-Claire Andreau qui a été une fidèle. Alors elle est d'humeur retors, mais on sait bien qu'elle porte le scapulaire noir et blanc assez régulièrement. On peut préciser à nos auditeurs qu'il y avait quand même un invité de plus dans cette émission qui se tait depuis tout à l'heure, qui est Anne-Claire Andreau. Bah, il nous fallait quelqu'un du niveau du shérif au stade, parce que... Une locale ici à Caen, qui a fait le déplacement depuis Nantes, et on lui passe le bonjour peut-être... un petit message à faire passer à nos auditeurs, peut-être. Oui, bonsoir. Effectivement, moi, je viens vaguement d'Angers, mais je supporte personne en particulier, en fait, si je puis me permettre. Beau message, merci. Toute la neutralité bien féminine que l'on connaît au football. Pour le match de ce soir, eh bien, on peut dire effectivement qu'avec plus 24 contre plus 14 pour le SCO d'Angers, il y a une différence de but de plus ou moins 10. Et donc, pour deux matchs, ça peut faire relativement beaucoup à rattraper. Et je pense que psychologiquement, le FC Nantes a déjà un pied et quatre orteils en Ligue 1. On peut l'affirmer, je pense. Il reste combien de matchs joués dans cette Ligue 2 ? Il en reste deux. Donc 6 points. Donc 6 points. Donc a priori, pour Nantes, c'est quand même plutôt pas mal. A priori. Super. C'est fêté comme tel sur la pelouse, hein, évidemment. On va essayer d'avoir l'interview de Michel Derzakarian, l'entraîneur des Canaries. Mais a priori, les joueurs du FC Nantes, pensent qu'ils sont en D1. Ils ont raison de le penser parce que je pense que cette avance sera très confortablement suffisante. Michel Derzakarian, qui, si je puis me permettre de vous interrompre, Magic Manuel, n'était pas le joueur le plus technique qui a apporté les couleurs du FC Nantes en tant que joueur, mais qui était un joueur qui faisait du bien à son équipe et qui savait faire mal à ses adversaires, je crois. Oui, et c'est un joueur qui est aussi particulièrement tombé dans la période où Nantes a jamais été champion de France. Mmh. Il y a des zones d'ombre comme ça. Donc nous parlions de Arribas et nous parlions aussi de Suodo, qui est l'entraîneur qui succède à Arribas, est-ce que je me trompe ? Vous vous trompez. D'accord, donc il arrive en quelle année, Suodo ? Alors Suodo arrive en 83, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la tête de l'équipe première. Vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait, donc c'est-à-dire bien après, il y a eu un entraîneur fabuleux. Suodo, hein, dans les... Excusez-moi, vous avez pas que les amis, Suodo arrive en 1982. Enfin, ah, oui, voilà. Oui, pardon. Il est champion en 83, donc il arrive en 82, donc il fait la saison 82-83, ouais. Donc effectivement, c'est sa première saison à la tête de l'équipe première du FC Nantes. C'est quelqu'un qui c'est un formateur, hein, Jean-Claude Chaudeau. Il a été à la tête de beaucoup de formations de jeunes. Il a été à la tête du centre de formation d'ailleurs de l'équipe réserve. Et il fait cette première saison 82-83, Magic, vous avez tout à fait raison. Non, entre-temps, il y a eu ce fabuleux Jean-Vincent, et je dois bien vous avouer que pour moi, Jean-Vincent, ça renvoie donc à l'équipe de la fin des années 70, début des années 80, juste avant donc l'arrivée de Chaudo, comme je le disais, avec c'est Eric Pécou, c'est Henri Michel, c'est Loïc Amis, William Ayache, Maxime Bossis, Rio, donc les frères Trocero qui n'étaient pas frères, c'est Salomon Salopard, Bibar, et puis c'est le début aussi du grand Bertrand de Man, et c'est quand même pas rien. Je crois que on a affaire à une sacrée avec équipe. Le docteur, nous sommes sacrément là. Ah oui, là, on est vraiment très très impressionnés. Hein. Et puis un joueur dont on parle très peu, et parce qu'il malheureusement il a eu un destin assez fatal, à savoir Monsieur Omar Chanoun, qui était un des plus grands espoirs du football. Alors là, je vais peut-être me dire une bêtise, mais heureusement Manuel est là. Algérien, je crois. Omar Chanoun, très très très très très grand joueur, dont le fils a joué au FC Nantes il y a quelques années, et qui a eu un destin brisé par un accident, et donc qui est mort à 23 ou 24 ans, je crois, au sommet de sa gloire. Alors en fait, pour faire la précision, et ça c'est le docteur qui nous parlera directement de cette époque, il est né en Algérie effectivement, mais au moment où l'Algérie était française, alors sa nationalité du coup était franco-algérienne. Voilà. Docteur, voilà. La question que vous est posée. Oui, bah c'est classique, on connaît toujours ces histoires, ces problèmes de nationalité pour les joueurs nés à cette époque-là. On se souvient de Ben Barka, donc ce joueur algérien qui jouait pour l'équipe de France notamment, et qui aurait aimé jouer pour l'Algérie. On l'avait évoqué, je crois, lors d'un précédent des bâtons d'Anguirou. Et c'est vrai que très souvent, la décolonisation a été très très problématique au niveau de l'émergence de ces équipes nationales qui étaient en général où les joueurs nationaux d'Algérie, du Maroc, éventuellement de Tunisie avaient beaucoup de mal à s'exprimer, dans le sens où très souvent ils avaient un rapport prégnant avec les instances fédérales françaises qui essayaient de faire en sorte de ne pas les faire jouer pour les pays sous protectorat ou pour les pays coloniaux. Merci docteur. Donc pour revenir à Ciodo, excusez-moi Chérif, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ? Non, rien, de dire que à cette époque-là, ça effectivement les muscadets coulaient à flot, et que Omar Chanoun était un sacré pistard. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes deux parents. Hein, je fais ça. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir le short de Buruchaga, mais en revanche d'avoir assisté à des entraînements, paraît-il, à Marcel Sopin, et d'avoir été, c'est un peu scabreux ce que je vais dire ici, peut-être éloigner les enfants de du poste, d'avoir été sur les genoux de Omar Chanoun lors d'entraînement du FC Nantes, et c'est une grande fierté. Si je fouille dans ma mémoire, il semble que vous avez porté le short de Oui, je l'ai porté, c'est vrai. Avec Doc Martins de Lamborghini. Tout à fait. Pour un match mémorable. Quel beau match, on en profite pour saluer les gens qui jouaient avec nous ce jour-là. Et notamment notre meilleure butrice dont Manuel va nous parler. Ouais. Non, excusez-moi, ici on vous entend pas très très bien parce qu'on essaye d'entrer avec Magic dans la liesse du vestiaire nantais, mais je vous entendais vaguement parler du destin d'Omar Chanoun. Un autre destin un peu terrible à Nantes, c'est aussi celui de Seth Adoncor, qui était le frère aîné de Marcel Desailly, qui est champion de France en 83, il me semble, et qui lui est décédé d'un accident de la route, et c'était à l'image de son petit frère Marcel, une force de la nature. Et voilà, c'est aussi un joueur assez étonnant qui est passé par la formation du FC Nantes. Et tout à fait, champion de France en 83, tout à fait. Ouais. Alors je vous propose une petite pause musicale, tiens. Mais alors quelle pause musicale ? Parce que cette proposition est une question en fait. Est-ce que vous voulez écouter un groupe qui s'appelle Les Justines et qui a écrit une chanson à propos de Jean-Claude Ciodo ? Vous voulez écouter Il est libre Max en hommage un petit peu décalé à Maxime Bossis ? Mais écoutez, je pense qu'un bon vieil hommage à Jean-Claude Ciodo pourrait être pas mal, et puis comme ça nous permettrait de parler du grand Max un peu plus tard. Donc on y va, un groupe qui s'appelle Les Justines et qui est un groupe de la région nantaise et qui fait un hommage à sa façon à Ciodo. On y va. Sans contrôle, installé dans les dunes, faire diversion et camoufler les faces. Toujours plus simple, toujours plus rapide, encore plus nantais. Et au passage, on embrasse le désastre mental infiniment. Les sapeurs et tout peur, les émois de l'autre. On embrasse le langage, nous cherchons stratège parfait. Les vertus d'une tactique parfaite, sous les lunettes de sacrifice, et nous voilà pris au piège. Trahi dans une tête éternelle. L'aller sans contrôle, sans la tête de l'adversaire, surprise et mouvement, chasse. Toujours plus d'enfer, on embrasse le langage en commençant infiniment. Les symboles et tout peur, laissez-moi de l'autre. Embrasse le langage, nous cherchons stratège parfait. Les vertus d'une tactique parfaite. Sous les lumières de sacrifice et nouvelle. Faisons pièce, trahis dans une tête éternelle. Trahis dans une tête éternelle. Les gloires en bloquent le dos. Justine, longue vie à Jean-Claude Ciodo. Si jamais nous croisons la route des Justines, ces gens-là ne le savent pas, mais ils nous doivent une belle tournée dans le premier bar que nous croiserons. Nous sommes très heureux ici à Des Bâtons d'Anguirou parce que nous enregistrons le retour de Magic. Le FC Nantes monte vraisemblablement en Ligue 1 et c'est même peut-être tout le football français qui se ravit. Docteur. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la remontée du FC Nantes ? Je pourrais vous dire que c'était quelque chose qu'on attendait. On aime bien avoir ces clubs phares, ces clubs historiques animer un peu ce championnat, cette Ligue 1, qui est parfois orpheline de ce type de jeu. Alors on espère effectivement que le jeu à Nantes, il n'est pas complètement mort. Moi, j'ai parfois un petit peu des doutes vis-à-vis de ce que j'ai entendu au niveau de la formation. On a vu les valses des présidents nantais, notamment un très cher au cœur de Manuel, un ancien journaliste, me semble-t-il. Non. Qui n'a pas été président, non. Qui a été proche, effectivement, de tout ce qui était un peu décisionnel. D'accord. Mais qui n'a pas été président, non. Très bien. Par contre, on a eu un président marchand d'avions et d'objets un petit peu contendants et destructeurs au FC Nantes. En l'occurrence aussi marchand de papier, mais qui nous a fait du mal. Ouais. D'accord. Un certain Jean-Claude. Jean-Claude D. Jean-Claude D. D'accord. Oui, donc c'est vrai qu'on peut se réjouir effectivement de ce renouveau-là. Je sais pas si on peut se réjouir de l'arrivée de Monaco en Ligue 1, puisque une nouvelle fois c'est une équipe montée de toutes parts, une équipe sans public, une équipe qui achète des joueurs, un centre de formation très faible. Je sais pas si le football français finalement a beaucoup à gagner de ce genre de choses, mais bon, on le verra l'année prochaine. On peut se réjouir éventuellement. D'un élément important, c'est la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en tout cas à Magic, à Brett et à moi, je crois. On n'a pas beaucoup entendu nos amis nantais là-dessus, mais bon, je pense que... Moi, j'aurais un petit mot à dire peut-être là-dessus. Je suis personnellement très heureux du développement de la filière, vous allez voir, hein, c'est pas complètement tiré par les cheveux, de la filière qui peut exister entre le Football Club de Lorient et l'Olympique de Marseille, même si certains joueurs qui ont évolué au Football Club de Lorient dans les années précédentes sont un peu décriés depuis quelque temps en tant que joueurs de l'Olympique de Marseille, je pense notamment à mon cousin. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, pourquoi ? Parce que il me semble, on n'a pas parlé, mais je crois que un des derniers grands héritiers du jeu à la nantaise, c'est quand même Christian Gourcuff, donc qui est vraiment l'entraîneur historique du FCL, du Football Club de Lorient depuis avec moins de réussite quand depuis même des années, avec beaucoup moins de réussite. C'est ce qu'il dessert, sinon il aurait au moins ce titre-là, en tout cas la reconnaissance du public à un niveau plus élevé. Je pense que malheureusement l'arrêt Bosman a tué Christian Gourcuff, mais c'est autre chose, c'est sans doute un sujet sur lequel le docteur pourrait nous entretenir pendant... Je vois pas pourquoi la coiffure de Bosman aurait quelque chose à voir avec le Football Club de Lorient. Continuez, chérie. Mais oui, oui, donc si, voilà, je voulais juste rebondir sur effectivement cette deuxième place acquise par l'Olympique de Marseille ce week-end grâce à un espèce de club obscur qui a été gagné à Gerland. Et donc voilà, il y a un certain nombre de joueurs quand même hein, qui évoluent et qui ont évolué au FCL et qui sont actuellement bon, des forces vives un peu décriées parfois. Je pense à Amalfitano, par exemple. À Morel, voire à Ayou et Gignac. Et puis, en revanche, il y en a un qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis qu'il est arrivé au mois de janvier. C'est quand même monsieur Romao, qui, me semble-t-il, a quand même solidifié le milieu. Mais nous parlons de Nantes. Bien sûr, revenons à Nantes et on va essayer de revenir à Ciudad. On a beau essayer d'aborder le sujet, vous l'évitez, Shérif et Emmanuel et tout le monde. Ciudad, c'est pour notre génération, donc la génération juste en dessous de vous, Shérif. C'est quand même pour nous l'entraîneur mythique de ce FC Nantes, les belles années 90, le titre de champion, non, la victoire en Coupe de France est en 95 et un titre de champion aussi dans tout ça, non? Alors oui, si je ne m'abuse. Oui, ça on pourrait demander à Manuel qui est vraiment le spécialiste hein, en termes de c'est notre référence, notre bibliothèque. Il y a un doublé coupe championnat en 95. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Manuel, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Oui. Coco Ciudad, donc le fameux Jean-Claude Ciudad. Oui. Doublé coupe championnat 95, c'est non, ça? Non, alors Jean-Claude Ciudad n'a jamais gagné la Coupe de France en tant qu'entraîneur. Il a été en finale deux fois, notamment en 94 je crois ou 93, défaite contre une équipe dans laquelle jouait David Ginola à l'époque, une belle équipe d'enfoirés il me semble, mais il a été champion de France deux fois en 83 et en 95. Donc c'est Reynald Denoëx qui sera double vainqueur de la Coupe de France en 99 et 2000. Et comme je disais tout à l'heure, en revanche, Edenwex, mais plutôt en tant que remplaçant, et Ciudad en l'occurrence en tant que vraiment pilier de l'équipe de l'époque, sera deux fois champion de France en tant que joueur sous les ordres éclairés de José Arribas. Et ça, c'est pas rien. On sent une vraie continuité par rapport à ça, hein, puisque je répète, Edenwex et Ciudad ont été joueurs importants de l'effectif du FCN. Oui, donc on reste dans cette idée quand même de famille, de formation et de jouer ensemble et de bien jouer ensemble. On pourrait peut-être écouter quelques mots donc de Coco Ciudad, ou pas d'ailleurs, me fait-on signe en technique. Si vous êtes prêt en technique, ben on va écouter quelques mots de Ciudad alors. Même s'ils sont derrière des barreaux, les footballeurs du FC Nantes ne sont pas en prison. Bien au contraire, leur entraîneur Jean-Claude Ciudad est plutôt du genre libéral, ce qui ne l'empêche pas d'imposer son style, dialogue, sourire, diversité dans les exercices, sans perdre de vue pour autant l'essentiel. Tendre toujours vers l'efficacité, puis c'est ce qu'il nous est demandé. Il y a encore des découvertes à faire dans l'entraînement. Bon, je crois que les découvertes, en ce qui concerne les entraîneurs, on a certainement beaucoup d'informations à apprendre à nouveau. Mais c'est principalement dans tous les intérêts que présentent manifestement beaucoup de jeux actuellement. Toutes ces découvertes sont à faire principalement chez les joueurs. Toujours penser qu'un entraîneur ou l'entraînement devait être très animé, toujours très dynamique, et que surtout, en même temps qu'il va être... dynamique, récréatif, il faut qu'il se montre efficace. Quelle garantie avez-vous que la méthode Ciudad est la bonne? Écoutez, ma garantie à moi n'est pas toujours celle des autres, et principalement que ce soit des dirigeants, parce que les dirigeants demandent les résultats. En ce qui me concerne, moi, c'est les garanties, c'est de voir que les gens sont heureux de venir à l'entraînement et de s'amuser comme ils sont en train de le faire actuellement. Ils s'amusent, c'est sûr. La preuve, il suffit de regarder Maxime Bossis. Et pourtant, il n'a pas la réputation d'un joyeux luron. D'habitude, il fait plutôt dans le genre sérieux. Mais comme tous les joueurs nantais, l'entraînement de Jean-Claude Ciudad lui permet de rester au top niveau, comme il permet à Patrice Rio, l'un des plus vieux professionnels du football français, de retrouver une seconde jeunesse. Depuis le début de saison, on fait un travail très, très concret et les séances d'entraînement sont toutes variées. Et je crois que depuis le début de saison, nous n'avons jamais fait de séances pareilles. D'un entraîneur à l'autre, le plaisir est toujours le même? Le plaisir, c'est peut-être beaucoup dire, parce que c'est essentiellement du travail, mais chaque entraîneur a sa façon de préparer et de travailler une équipe. travaille beaucoup collectivement et beaucoup physiquement également. Et beaucoup de travail en salle avec le kiné qui nous fait travailler les élongations, les étirements, les abdominaux, tous ces mouvements qui sont indispensables au footballeur. Vous le voyez, rien n'est négligé, pas plus le physique que la tactique ou encore la technique. Cela demande beaucoup de temps, pas mal d'efforts aussi. Concilier les trois n'est pas toujours facile, il arrive que les joueurs se lassent. Apparemment, Coco Suodo, lui, a résolu le problème en multipliant les exercices et en créant une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle d'habitude une vie de chien. Vous avez un modèle brésilien ? Oui, parce que en les voyant jouer, j'aurais aimé jouer avec eux, comme beaucoup sans doute de mes confrères ou de ces joueurs, parce qu'ils s'amusent et véritablement il y a un maximum de sensations dans ce qu'ils font. José Arribas est bien placé pour le savoir, lui qui a donné non seulement un palmarès, mais encore une image de marque au Football Club de Nantes. Tout évolue dans la vie et le football étant un domaine qui évolue peut-être plus vite que les autres, elles ont considérablement évolué. Mais je crois qu'à cette époque-là, nous étions un peu à la pointe, un peu en avance sur les méthodes d'entraînement. Et je crois qu'avec Suodo, ça suit un peu la même courbe. C'est-à-dire qu'en les actualisant, il est aussi à l'avant-garde. Et pour peu que Suodo connaisse la même réussite qu'Arribas, on n'a pas fini de voir des footballeurs se préparer en jouant par exemple. Le football, c'est donc la fête. Et voilà, une association rapide d'idées entre une musique un petit peu brésilienne, Arribas, le nom, comme le note Emmanuel, à consonance sud-américaine. Mais je crois que Chérif, on en discutait autour de cette magnifique bouteille de picrate. on est dans le nord-ouest d'ailleurs, hein, de l'Anjou, du Bourgueil. Bien sûr. Vous vouliez parler de deux joueurs en particulier, si je ne me trompe, José Touré et le grand Max. Mais oui, Max. Juste José Touré. Pourquoi ? Parce que il y a eu un Brésilien à Nantes, un très grand Brésilien, qui s'appelait José Touré. Ouais, et c'est cette fameuse carrière qui lui était promise et lui aussi s'est fourvoyé. Mais les années nantaises de José Touré sont des années qui ont aussi éclairé de ce jeu chatoyant ou chatoyant, comme on dit parfois, ce fameux but en finale de la Coupe de France contre une vulgaire équipe dans laquelle jouait je ne sais plus qui à l'époque, mais peut-être un bon vieux Pilorget peut-être jouait dans cette espèce d'équipe à l'époque, ça m'étonnerait pas. Et voilà quoi, là on a quelque chose. C'est une finale perdue par le FC Nantes, mais un but brésilien que je pense que Manuel pourrait nous décrire avec un plaisir. Est-ce que peut-être en technique on peut avoir du son de ce but ? Est-ce que la technique est capable de faire ça ? La technique est capable de beaucoup de choses. C'est un but sans son. Ni Dalila. Il n'y a pas de son, mais il y a de belles images. Emmanuel, peut-être, peut nous commenter les images de ce fameux but de Touré. Si vous voulez, avec grand plaisir. Dans mon souvenir, il s'agit d'une petite passe piquée en profondeur du 7 à Doncor, dont on parlait juste à présent, qui donne la balle donc à José Touré, dos au but, avec deux défenseurs dans le dos. Il contrôle de la poitrine, un petit double coup du sombrero, d'ailleurs, pour éliminer les deux défenseurs, et une frappe vraiment sans angle du pied gauche qui va se loger dans le petit filet de Baratelli. Baratelli qui était le goal de je sais plus quelle équipe, mais l'équipe qui avait eu l'espèce de chance de se retrouver en finale de la Coupe de France 1983 contre le FC Nantes. Ouais. C'est un but magnifique. Voilà, donc le Brésilien, bien sûr. Et puis un autre joueur qui, pour moi, est, est plus qu'une emblème, qui, qu'on n'appelle pas le Brésilien, mais dont on a entendu parler, effectivement, dans, dans, dans ce reportage qu'on, qu'on vient d'entendre. Un reportage très Stade 2, je trouve. Et ça, ça me fait plaisir aussi. Oui, le ton vous a plu, apparemment. Le ton m'a, m'a beaucoup plu. Vous qui êtes plutôt exigeant en ton de reportage, pour une fois, vous étiez un petit peu satisfait. Tout à fait. Est-ce parce qu'à l'époque, Thierry Roland officiait sur les ondes de Stade 2 sur les... Vous croyez à cette époque que... Je pense. Oui. Ok, d'accord. Ah, peut-être êtes, que c'est ça alors. Vous êtes ouais. clairement plus France 2 que TF1, globalement. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que ce ton m'a vraiment plu. Et voilà, donc le joueur en question, on a déjà parlé. C'est le grand Max, c'est Maxime Bossis qui j'ai pas beaucoup de héros dans la vie. Il y a Lou Reed, il y a Anne-Claire Andro et il y a Maxime Bossis et je crois que c'est quand même pas rien de d'avoir des héros dans la vie tout simplement. Et oui, le grand Max c'est quoi? Le grand Max c'est ce jeu flamboyant. C'est ce jeu flamboyant, c'est protège tibia. Alors petit short floqué du numéro 4 en équipe de France. Ouais, nous, bah, c'est-à-dire que nous en parlâmes avec avec Mimi Labelotte que vous reçûtes pour une fabuleuse émission Je ne parle pas du tout des bâtons d'Anguirou sur l'Afrique, l'African football. Et nous devisâmes de ça avec Mila Belotte. Et effectivement, le début de la carrière de Maxime Bossis, c'est arrière latéral. Mais très rapidement, il a été replacé dans l'axe pour diverses raisons. Et il s'est surtout montré très très efficace dans l'axe, aussi bien avec le FC Nantes de Henri Michel, de Eric Pécou, donc dont nous parlâmes un peu plus tôt. Et puis en équipe de France, il a longtemps le grand Max était recordman des sélections de l'équipe de France, 74. 14 sélections, je crois, 76 sélections, me fait ton signe en régie. Il y a une anecdote assez rigolote au niveau des cartons jaunes, je crois. Et c'est pas au niveau des cartons jaunes, au niveau des cartons rouges. C'est-à-dire aucun carton rouge dans sa carrière, qui, pour quelqu'un qui a joué défenseur, aussi bien donc sur les côtés que dans l'axe, beaucoup libéraux, un petit peu stopper, ça pour dépanner, mais il a surtout été libéraux Max. Et on précise dans mon oreillette que c'est ni jaune ni rouge. Non, ça c'est vraiment incroyable et c'est fabuleux. Quelles sont vos sources, mon cher Brett? Mes sources viennent de l'oreillette, donc je ne sais pas qui me parle dans l'oreillette. Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie qui pourrait répondre à ces sources? Qui me parle dans l'oreillette? En tout cas, l'oreillette, moi j'y crois hein, vraiment, c'est parce que c'est ce qui a fait la légende du grand Max. C'était vraiment l'oreillette, ouais. C'était le défenseur qui ne taclait pas, c'est-à-dire qui défendait debout. Laurent Blanc, pour prendre un exemple peut-être un peu plus connu de nos jeunes auditeurs, comme on dit parfois. Et donc par extension, notre fameux Nicolas Nkoulou. Et je crois que c'est assez proche, effectivement. Voilà, on vraiment pris pour référence. Alors, en tout cas, Laurent Blanc, c'est clair. Hein, il a dit, et puis pas qu'une seule fois, que le grand Max a été une de ses références sur sa façon de défendre très droit. Voilà. C'est assez énorme. Hein, il est libéro Max. Il est libre Max. Il y a ce fameux, c'était un des plus horribles jours de ma vie. Je ne sais pas si Manolo s'en souvient, ni même s'il était déjà né. Mais effectivement, la demi-finale de Séville et ce fameux penalty manqué contre Harald Schumacher. Et c'est terrible parce que ça coûte, bon, avec le penalty manqué de Dundarzun, hein, mais ça coûte sans doute sa place en finale à la France. Et alors que le grand Max fait une partie mais complètement incroyable et là on se dit que bon, les héros ne meurent jamais mais quand même ça fait mal. Il rate des pénalties aussi, ouais. Le Michel Platini aussi a raté un pénalty. Roberto Baggio aussi a raté un pénalty. Tout à fait, une belle barre fracassante. Zico et Socrates ont raté des pénalties. Exactement, donc finalement il fait partie de ces gens là est-ce qu'on écoute une petite chanson en hommage à Maxime Bossis pour distraire nos auditeurs de ce grand déballage footballistique quand même. Les échanges, même s'ils sont derrière des barreaux. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu marquer. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu marquer. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu marquer. Magnifique chanson donc de Hervé Christiani, comme le rappelait le docteur, puisque nous l'avons oublié. Et donc il nous racontait que cette chanson était effectivement un hommage à Maxime Bossis, dont il était fan. Sa jeunesse ou pas d'ailleurs. Si, si, absolument. À peu près le même âge, bien sûr, un grand fan du Grand Max. Hein, puis, mais qui n'était pas fan du Grand Max à l'époque, quoi. À part peut-être les Stéphanois, mais même c'était juste de la mauvaise foi de leur part. Je pense que même Christian Lopez était fan du Grand Max. Pas de doute là-dessus. Voilà, donc on a écumé le Grand Football Club de Nantes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, chérie, vous qui êtes vraiment passionné par ce club. Manuel, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez évoquer encore pour nos auditeurs, des choses à connaître, à savoir sur le peut-être juste avant d'aller au stade, une sorte de petite synthèse un peu simpliste peut-être, mais c'est vrai que voilà quoi, ce jeu flamboyant a vraiment marqué des générations de footballeurs et de spectateurs, et effectivement cette espèce de crainte, puisque depuis quand même plusieurs années, ce jeu à la nantaise n'existe plus, en tout cas n'existe plus au FC Nantes. Même si nous sommes très contents ce soir que le FC Nantes soit quasiment assuré de monter en D1 l'année prochaine, en Ligue 1, pardon. Voilà, cette espèce de crainte, cette espèce d'envie de revoir ce jeu chatoyant, ce jeu tout en mouvement, ce jeu tout en solidarité, réapparaître au sein du FC Nantes. Bah, quelque part, finalement, cette année, si on a pu voir un jeu qui ressemblait un tant soit peu à cela, on avait effectivement le FC Lorient, qui malgré ses hauts et ses bas et de nombreux déboires, avait tout de même ce jeu à une touche de balle. Moi, j'ai trouvé que, hélas, parfois le FC Lorient tenait mal la route, des crampons sûrement peu adaptés à sa pelouse synthétique, mais souvent on a vu vraiment des beaux buts, des belles actions et c'est une équipe qui était assez agréable à regarder et je suis assez content que cette équipe elle s'inscrive en Ligue 1 pour une dans la longue durée puisque maintenant ça fait quand même quelques années, vous nous préciserez combien de temps Shérif, qu'elle sévit en Ligue 1 et qu'elle peut faire tomber des cadors et ça fait quand même assez plaisir de voir du beau football de ce genre-là. Je crois, pardon, excusez-moi. Non, vas-y, cher, non, je crois surtout, enfin, je me répète hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais Christian Gourcuff, donc l'entraîneur du FCL, lui, pareil, hein, a toujours dit que l'influence Suedo et donc Arribas l'avait extrêmement marqué pour sa philosophie de jeu. J'aimerais vous faire écouter, du coup, puisqu'on en est là, un sociologue à qui on a posé la question. Est-ce que le jeu à la Nantaise était totalement lié au passé ou est-ce qu'il a encore une actualité, est-ce qu'il a encore un avenir? Et donc ce sociologue a le doux nom de Suo, qui pourrait être le début de Jean-Claude Suodo. Et c'était un petit peu aussi pour le docteur, parce qu'on sait vos velléités scientifiques universitaires. Et ce sociologue rapporte des questions plutôt intéressantes. Et je vous propose de l'écouter, ça peut être assez intéressant. L'idée que le jeu à la Nantaise, c'est une image de marque, c'est une image de marque du club nantais. À la fois, cette image de marque, elle est très datée, elle renvoie à une période très relativement précise, et en même temps, elle reflète plutôt assez mal les conditions du football dans lesquelles cette notion a été créée, je veux dire. Elle est très datée, Nicolas Wedek l'a rappelé, les années 60, l'arrivée à un président que nous avons rencontré, que nous avons extrêmement important, qui a donné un esprit qui s'appelait Clairefeuille, et c'est ce président Clairefeuille qui avait recruté José Arribas. Quand on dit le jeu à la Nantaise, c'est le jeu Arribas. C'est plus compliqué que cela, parce que justement l'origine de cette notion du jeu à la Nantaise est une origine éminemment collective. Il n'y a pas que le jeu qui est collectif, mais la manière dont cette notion est arrivée est elle aussi collective. Pour une raison simple, c'est que dans les années 60, le football dit professionnel est encore très amateur dans son organisation, dans ses structures. C'est une époque où nous parlions à l'époque de la dictature des présidents, c'est-à-dire il y avait les présidents. La division du travail entre les cadres était très faible, ce qui fait que l'entraîneur en tant que tel avait une autonomie relativement limitée. Et que, autrement dit, je dirais, le jeu à la Nantaise, c'est Arribas, mais c'est Arribas avec tout le collectif de l'encadrement. Deuxième question, le jeu à la Nantaise est-il une spécificité nantaise ? Pour que cette valorisation de l'expression « jeu à la Nantaise » soit véritablement efficace, on ne peut pas se limiter à la seule dimension nantaise. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce « jeu à la Nantaise » dans l'espace du football français. Le monde du football, finalement, est organisé par des valeurs qui ne sont pas... L'idée que le jeu à la Nantaise, c'est une image de marque, c'est une image de marque du club nantais. À la fois, cette image de marque est très française. Un petit extrait de France Football de 92, où le journaliste discute avec Renan Pedros. Alors aujourd'hui, Renan Pedros est un peu entré dans le cœur de toute la France du foot. Réponse. Nantes est un phénomène nouveau. Bon, 92, bon, et moi avec. Ça c'est plus vrai. C'est tout. Mais je crois avant tout que ce qui nous arrive est moral. Le foot a pris dans notre histoire, non, le pas sur l'argent. on est jeune, on n'a pas de moyens. Le français aime ça. Mon père, l'autre jour, m'a dit qu'on nous appelait les smicards. Ça leur faisait plaisir aux gens d'entendre ça. Ah bon ? Ils se reconnaissent dans ça ? Ah oui, pour la plupart, ça les intéresse. Ils en ont ras-le-bol du fric de Marseille. Nantes, au contraire, c'est jeune, ça vient de sortir. Bon. Donc, vous voyez, ce genre d'opposition, ça marche terriblement. Dernière question. Le jeu à la nantaise est-il une valeur intemporelle ? Pour répondre à cette question, déjà, c'est intéressant de comprendre comment elle s'est délitée. Bon, les liens qui se sont distendus, on l'a dit, entre le club, la presse, la municipalité, les entreprises, autrement dit, ce qui faisait la force ce qui a fait la force du groupe, c'est justement ce lien, ce tissu social, économique et culturel, très important, la distance, la coupure, je dirais même, entre les adhérents, en particulier les supporters, et le club, qui sont devenus de simples faire-valoir, ou éventuellement juste bon à faire des sandwichs, ou bon, ce qui est un effet d'une certaine conception du professionnalisme, c'est-à-dire la professionnalisation du football a entraîné une coupure sociale radicale, et que nous, on analyse en termes de dépossession pure et simple. Donc, en ce sens, le mot « reconquête » a du sens. C'est reconquérir, je veux dire, un lien qui a été objectivement coupé. Et là, le club est lourdement responsable de cette affaire. Mais il y a aussi des impositions nationales. Bon, on n'a pas parlé des médias. Bon, Bruno, l'autre est là. Il y a des journalistes. Bon, c'est, autrement dit, la presse impose des catégories qui ringardisent le local. Juste, on demandait quelle est pour vous la plus grande qualité du joueur. Le jeu collectif, 55%. 10 ans après, on dit quelle est la meilleure qualité du joueur. La technique individuelle. Autrement dit, il n'y a pas que les dirigeants du club, etc. Il y a la télé, il y a tout cet environnement. Ce qui fait dire que l'ampleur de la tâche qui est la vôtre dans l'association, de faire revivre une croyance peut-être datée dans le monde sportif et économique d'aujourd'hui, qui n'a plus guère de ressemblance avec celui qu'a connu le FCN au meilleur de son jeu. Claude Suau, donc sociologue émérite, professeur à l'Université de Nantes, qui nous parle du FC Nantes, qui résume assez bien nos propos sur ce que nous disions, en tout cas sur le jeu à la nantaise et sur les choses qui ont pu aussi handicaper et finir par mettre un coup sérieux à ce fameux jeu, cher docteur. Oui, effectivement, c'était assez intéressant de voir que c'est un état des lieux qui était fait à une certaine époque, hein. C'est celui finalement du déclin du FC Nantes, parce que le FC Nantes à la base c'était aussi quelque part un collectif, donc c'est ce qui nous a plu aussi pour organiser cette émission, c'est-à-dire que le FC Nantes c'est pas uniquement parce qu'on a des amis fans du FC Nantes, non, pas du tout. C'est qu'il y a cette idée du collectif qui est quand même fondamentale, idée qui se perd, qui par exemple, regrettablement à l'Olympique de Marseille, même si effectivement il y a un collectif guerrier qu'on peut accepter, au niveau du jeu on retrouve très peu finalement toute cette qualité qui est aussi fondamentale dans le football, c'est-à-dire de se faire plaisir sur le terrain. Et on soulignait avec plaisir la deuxième place marseillaise. Il y a quand même quelques bémols à cette deuxième place, c'est-à-dire un jeu qui est quand même très faible, un niveau de jeu qui nous semble très faible, un manque de rêve de toute façon, avec des joueurs qui parfois sûrement ont pas une technique irréprochable et surtout un sens du collectif qui est parfois défaillant. Donc moi je trouvais ça intéressant de conclure un petit peu sur cette idée d'un sport qui est avant tout un sport collectif et sur une vertu qui se perd. On espère qu'elle va se renouveler. J'ai des doutes quant à cela. J'ai des doutes concernant Nantes, peut-être un peu moins concernant Guingamp. J'espère qu'on verra l'année prochaine, on pourra en discuter. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était quand même assez intéressant d'avoir une approche d'un autre club sur les ondes d'une radio marseillaise que celui de l'Olympique de Marseille, même si on reviendra dans 2 semaines sur un élément très très fort, un élément marquant, les 20 ans de la victoire de l'OM dans la Ligue des Champions. En 1993. Tout à fait. Chéri, vous voulez peut-être rebondir. Non, juste dire qu'on est désolé pour l'émission qui suit, hein, qui va bientôt arriver. On a un petit peu de retard, mais qui dit Guingamp dit la belle période de Guingamp, dit Renan Lechrome, qu'on salue bien fort ici ce soir. Carrément. Grand gardien des Golins de l'Armor. Un pote de Torgal, je pense. Surtout un grand ami qui effectivement c'est un peu dévoyé en allant jouer dans un club un peu obscur dernièrement, mais qui a quand même été le grand goal de Guingamp des années Drogba, Malouda, et voilà, c'est pas rien. Bon, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, bien sûr, Chérif, docteur Manuel, on n'a pas parlé vraiment de Patrice Loco et de ce but extraordinaire avec Reynald Pedros, dont on n'a pas du tout parlé non plus. Il a été évoqué dans le sujet du sociologue Sio. On a un peu oublié Eric Carrière aussi. Ah, tout à fait, c'est marrant, j'y pensais. Et son restaurant. J'y pensais. Qui est désormais un confrère en plus, qui commente pour une chaîne. Une chaîne. Une chaîne. Une chaîne. Voilà, mais en même temps, il faut conclure. Et puis surtout, ce soir, on était quand même ravis d'un élément nouveau. Ou en tout cas, revenant. C'était quand même la présence de notre bon vieux Magic. Alors Magic. The Ghost of Kay. Est-ce que Magic a une interview de d'Arzakarian? Je crois que oui. Je crois que vous avez réussi à interviewer d'Arzakarian. Oui, tout à fait. J'ai réussi à l'interviewer et figurez-vous que j'ai la chance de parler arménien et Arzakarian m'a parlé arménien. Donc je voulais vous le transmettre tout à l'heure en direct, mais je crois que pour nos auditeurs, ça aurait pas été très confortable. Donc en gros, et il avait raison, il m'a dit que la saison a été très éprouvante, même si le FC Nantes avait été quasiment sur le podium tout le temps, et que c'était le fruit du travail et d'une équipe qui s'en renouvelait dans l'engagement, dans l'attitude des joueurs. Et malgré les difficultés, vous savez que Nantes c'est une grosse équipe, et qui dit grosse équipe dit difficultés, forcément des pressions de partout. Donc malgré toutes les difficultés, eh bien le fruit du travail est là, et on espère qu'il n'y aura pas de catastrophe pour cette équipe-là. Normalement, on peut dire qu'ils sont déjà en Ligue 1, donc voilà, il était très content, et il m'a fait une petite aparté en me disant qu'il pensait que les deux matchs qui restaient allaient être de forts grands matchs et où on allait voir des buts, et il était persuadé que ses joueurs allaient célébrer cette remontée avec deux belles victoires pour les deux journées qui restent. Voilà. Et puis on va en profiter avec mon acolyte du soir, Manu Amor, pour remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Moi, je suis très content d'être venu. Je voulais juste, avant de passer la parole à mon camarade, dire que on est très content également que l'Olympique de Marseille soit qualifié pour la saison prochaine en Ligue des Champions, ce qui nous annonce une très très belle saison pour l'année prochaine. Et puis dans ce sport, il faut savoir rester. Il paraît que vous avez obtenu d'avoir une émission le mardi la saison prochaine sur Radio Galère. Magic. Avec Radio Galère, je ne vous dis pas dans quel pays. Voilà. Oui, parce que vous préparez en même temps peut-être un événement mondial, planétaire. Quelque chose de la sorte. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis donc je voulais juste féliciter les vainqueurs du championnat de France de cette année, en la fameuse équipe de l'UTCA. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à mon ami Manu Amor. Alors merci Magic, je vous parle vraiment brièvement parce que je vous cache pas qu'on a pris la route avec Magic il y a à peu près 4 heures par l'autoroute pour rejoindre Nantes depuis Caen, et on avait envie d'aller fêter, faire cette belle soirée là-bas, donc la technique nous permet d'être toujours audible dans la voiture, c'est assez parfait, mais comme je conduis je vais rester bref. Voilà, on a vécu un match de foot somme toute assez engagé et assez, on va dire, disputé. Le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous, mais en tout cas, on a pu voir qu'il était cher à ces deux équipes de vouloir remonter en première division. Pour Caen, c'est pas encore totalement terminé, même si c'est mal engagé. Pour Nantes, ça, c'est fait. Et on est assez content. Voilà, merci à vous et puis à bientôt. Merci messieurs. Merci Manuel d'avoir occupé ce poste de belle manière. Merci Magic d'être revenu. Shérif, docteur. Oui, pour les auditeurs et les auditrices qui s'inquiéteraient, nous n'avons pas de chronique du docteur ce soir pour des raisons obscures. Ah oui, raisons obscures. Hein. Effectivement, la présentation de mes doléances professionnelles il y a quelque temps, finalement... donner quelques réponses et j'exerce actuellement une activité qui m'interdit en réalité de ce type de chronique, ce type d'exercice, donc tant que j'exercerai cette activité, ce n'est que partie remise, voilà. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Le shérif lève la main, un mot du shérif. Juste dire qu'on a donc un petit peu de retard sur l'émission radiophonique, j'en suis navré, qui va arriver. Juste un dernier morceau donc pour célébrer je pense la fin de cette émission et puis ce sera l'émission radiophonique juste après. Juste dire quelque chose à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, le blog. Notre fameux blog www.desbatonsdunguerou.posterous.com n'est plus à la page en ce moment pour des raisons qui nous sont totalement obscures et à nouveau, mais qui sont indépendantes de notre volonté. Mais bientôt, nous aurons de quoi vous communiquer un site internet dédié à notre émission, à nos reportages et à toutes nos chroniques. Et ainsi de suite. On aurait pu écouter Il pleut sur Nantes, mais nous n'allons pas le faire parce qu'il ne pleut pas sur Nantes. Nantes est en Ligue 1. Il fait beau sur Nantes. Voilà, nous allons finir avec une magnifique petite chanson. Allez les Canaries. 77. Puis, quand même une petite précision pour la suite. C'est dans deux semaines, on parlera donc des 20 ans de l'Olympique de Marseille. Il y a une soirée bien à Montevideo, il me semble. À Montevideo le mercredi qui suivra notre émission, la date. Mercredi qui suivra notre émission, qui la précédera. Qui suivra notre émission, donc on fera cette promotion à ce moment-là. Voilà. Mais ça reste à préciser, bien sûr, je pense que c'est ça. Merci à tous, merci Shérif de votre présence sur le plateau à nouveau, merci Docteur, merci Magic, merci Manuel et merci Radio Galère.